Studio 87. Ça vient de Bix. Aspiration. Je pas la contraste d'acier, c'est la passion qui parle. Kayari Bayman, on parle aspiration. Génération trentenaire, on peut emporter par les packs de mes aspirations. Quand j'ai un peu en main, c'est vrai que c'est plus fort que moi.